Chapitre 16. Quand elle arriva dans High Street, à bout de souffle, Mademoiselle Chapelle poussa un cri de rage, manifestation de colère qui n'était pourtant guère dans ses habitudes. En passant la rangée de maisons, elle avait tout juste eu le temps d'apercevoir au loin la moto qui s'enfuyait à vive allure, et de reconnaître la silhouette de son pilote. La jeune femme baissa lentement la tête. À ses pieds, le trottoir offrait le terrible spectacle qu'elle avait immédiatement imaginé lorsque le coup de feu avait déchiré le ciel. Le corps de Priscilla Appleton, figé dans une posture effroyable, gisait sur le pavé. De l'orifice qui s'était logé au beau milieu de son front s'écoulaient d'affreux ruisseaux écarlates. Ivre de colère et de frustration, Lorraine se laissa tomber sur les genoux à côté de la journaliste. Dans un geste aussi vain que naturel, elle posa la main sur son épaule, comme pour offrir à la morte un dernier réconfort de sororité. Abattue, elle ne prit pas la peine de se retourner quand elle entendit Pierce arriver dans son dos. « Oh mon Dieu !» s'exclama le détective, horrifié, en découvrant la scène à son tour. Tout en répétant plusieurs fois cette lamentation, il vint s'agenouiller près de Lorraine. « Comment avez-vous su? Vous êtes parti avant le coup de feu. » La Française mit un moment à répondre, comme si la question avait dû franchir de nombreuses barrières pour la sortir enfin de sa torpeur. « J'ai reconnu le bruit de la motocyclette, au loin. Mais je suis arrivé trop tard. » C'était la même qu'à l'hôtel ? La pressa Edward. Le même homme ? Elle hocha la tête et tendit la main vers le bout de la rue. Je l'ai vu s'enfuir par là. Je n'ai rien pu faire. Bon sang, nous aurions dû la raccompagner. C'est notre faute, Edward. Ne dites pas de bêtises, Lorraine. Vous êtes conscient que c'est parce qu'elle nous a parlé qu'elle a été tuée ? C'est possible. Mais cela ne nous rend pas responsables du meurtre. La seule personne responsable, c'est celle qui a tiré. Autour d'eux, un attroupement se forma, mais il s'avéra bien moins grand qu'on eût pu s'y attendre. Lorsque la police arriva, il n'y avait guère plus de 12 personnes autour du corps, Edward et Lorraine inclus. Plus étonnant encore, ce petit groupe de curieux, plutôt que de produire un brouhaha de commentaires, de plaintes ou de récriminations, resta discret et silencieux. Tout juste put-on entendre quelques larmes et soupirs désolés. Dans les minutes qui suivirent, la gestion du drame, laborieuse, fit une nouvelle fois la preuve du terrible manque d'expérience dont souffraient les forces de l'ordre local. Toutefois, en de telles circonstances, Pierce et Chapelle se retinrent de les accabler. Ils s'efforcèrent de les assister et prodiguèrent quelques conseils avisés sur le traitement de la scène de crime, la recherche des indices et le recueil des premiers témoignages, en prenant garde néanmoins à ce que cette aide ne puisse être interprétée comme de la condescendance. Ce faisant, ils purent constater que, quoique mal formés, sous-équipés et manquant autant d'assurance que d'entraînement, les 4 policiers de Blackmore semblaient désireux de bien faire, ne manifestant aucune hostilité à l'égard du détective et de la criminologue. On pouvait même deviner dans leur regard comme dans leur attitude une aversion contenue pour leur supérieur, le connétable Parker. Une heure plus tard, alors qu'une ambulance transportait le corps de Mademoiselle Appleton vers la morgue du centre médical Sainte-Christine, Lorraine et Edward furent conduits de nouveau au palais de justice. L'échange qu'ils eurent cette fois avec le juge Gaudion se joua sur un ton bien différent. Le magistrat se retrouvait désormais avec un homicide sur les bras, et sans doute avait-il bien conscience qu'il ne pourrait pas étouffer cette affaire-là. Sur le trajet, à voix basse, Chapelle et Pierce s'étaient mis d'accord sur l'attitude à adopter. Ainsi, en apparence du moins, ils jouèrent la plus grande transparence, répondant à toutes les questions du juge et lui racontant les événements dans leurs moindres détails, à l'exception de certains éléments qu'ils avaient donc choisi de conserver pour eux. Au sujet de la première apparition de la moto et de son chauffeur à l'hôtel, ils ne précisèrent pas l'objet du vol, à savoir les documents découverts chez le père Molloy. Au sujet de Mademoiselle Appleton, ils se gardèrent de dire qu'elle leur avait remis une copie de la lettre anonyme, et ils passèrent sous silence l'évocation d'un mystérieux culte païen. Quant à l'identité réelle de la journaliste, enfin, ils respectèrent la discrétion qu'elle avait espérée d'eux et n'en firent guère mention. « Mademoiselle, monsieur, je vous remercie de votre collaboration. » conclut le juge Gaudion d'une voix qui paraissait sincère. « Je suppose même que je vous dois des excuses, n'ayant guère fait preuve d'une grande affabilité à votre endroit ce matin. Ma méfiance instinctive envers les étrangers et les réserves que j'éprouve à l'égard des enquêteurs privés m'ont sans doute rendu moins accueillant que je n'aurais dû l'être, et je le regrette. Toutefois, nous nous trouvons maintenant face à un crime avéré, grave. Comme je devine qu'il ne fera que motiver davantage votre désir d'enquêter, nous devons trouver un moyen de travailler en bonne intelligence, afin de nous prémunir contre toute nouvelle contrariété, et de faciliter la résolution de ce mystère plutôt que de la ralentir. « À la bonne heure, » approuva Pierce, en inclinant la tête. « Aussi, voici ce que je vous propose. Reconduisons ensemble l'accord que vous a proposé Mademoiselle Appleton, et promettons-nous un échange d'informations fondé sur la réciprocité. Je m'assurerai personnellement que la police vous tienne au courant au fur et à mesure de toutes ces découvertes, et j'attendrai de vous que vous en fassiez autant. » Cela nous semble tout à fait honorable. Mais attention, cette proposition s'accompagne de conditions strictes. Qu'à aucun moment vous ne vous substituiez aux forces de l'ordre. Que vous fassiez appel à elles chaque fois que vous serez confronté à une situation qui incombe à leur seule fonction et que vous respectiez scrupuleusement les règles qui encadrent votre profession. Je ne vais pas vous les apprendre. Vous avez le droit d'effectuer des filatures tant qu'elles ont lieu sur l'espace public, d'auditionner des témoins tant que vous n'usez pas de la contrainte, de faire des demandes auprès de mes services pour obtenir l'accès à des archives d'ordinaire fermées au public, etc. Je m'efforcerai de vous assister avec la plus grande détermination, de faciliter sans délai toutes les démarches administratives que pourrait nécessiter votre enquête, mais si j'apprends que vous commettez le moindre délit, la moindre intrusion non sollicitée dans une propriété privée, le moindre vol de preuves, le moindre acte de violence, alors j'ordonnerai sur l'heure votre expulsion du territoire. Sommes-nous bien d'accord ? C'est la moindre des choses. Et depuis le temps que je l'exerce, jamais il ne me viendrait à l'idée de trahir le code déontologique auquel ma profession m'oblige, votre honneur. Cette promesse solennelle dans la bouche de l'homme qui, le matin même, avait crocheté la porte du père Molloy et emporté un carton empli de documents privés, ne manquait pas de sel. « Mademoiselle ?» lança le juge en se tournant vers Lorraine. « Votre honneur, qu'on ouvre ma poitrine, et l'on découvrira alors sur mon cœur un seul mot gravé. Probité. Oui. Oui, c'est très beau. Malheureusement, mademoiselle, je ne juge jamais une personne sur ses mots, mais seulement sur ses actes. Je vous aurai donc à l'œil. Vous pouvez me croire. C'est noté. Et pour ce qui est de la motocyclette ? Lança Lorraine en dévisageant le juge Gaudion, sur une île de 1000 habitants, le nombre de personnes qui possèdent une BSA modèle L de couleur verte doit pouvoir se compter sur les doigts d'une seule main. Et encore, je vous ai dit que j'allais m'en occuper, mais détrompez-vous. Il y a bien plus de motocyclettes sur Blackmore qu'on ne pourrait le croire. Notre île peut se vanter d'avoir l'un des plus anciens motoclubs au monde, le BMC, qui a été créé en 1905. Il compte désormais une quarantaine de membres, qui organisent tout au long de l'année de nombreuses courses au nord de l'île, mais aussi une célèbre épreuve de hill climbing, qui se déroule pendant la Blackmore Week, cette semaine donc, et qui attire des spectateurs venus de tout l'archipel, pour voir des motocyclistes affronter une côte de plus de 45% de pente. Enfin, nous avons dans Victoria Street un magasin de motocyclettes. J'irai évidemment interroger Enzo, son propriétaire, dès demain, à la première heure, et je lui demanderai de nous fournir la liste des propriétaires de BSA. Bref, je ferai ce qu'il faut. Mais il se peut que cela soit plus compliqué que vous ne le pensez. C'est compris. Bien. Une dernière question. Êtes-vous armés l'un et l'autre ? Je possède un Smith & Wesson de calibre 38. Répondit Edward en soulevant son veston pour faire apparaître le holster sous son épaule. « Et je dispose d'un permis de port d'armes en bonne et due forme. »« En ce qui me concerne, je n'ai ni l'un ni l'autre. » enchaîna Lorraine. « Ah ! Mais savez-vous tirer, mademoiselle ?» La jeune femme, qui ne s'était pas attendu à ce que la conversation prît cette direction, ne put retenir un petit air surpris. « Eh bien oui, à vrai dire, j'ai pratiqué le tir sportif pendant quelques années. » Aussitôt, le juge ouvrit l'un des tiroirs de son large bureau et en sortit un revolver qu'il lui tendit. « Ce qui s'est passé aujourd'hui nous invite à la plus grande prudence. Il est fort probable que votre enquête vous mette en danger l'un et l'autre. Je serai plus tranquille en vous sachant armée, mademoiselle. Promettez-moi seulement de n'en user qu'en cas de légitime défense et de me restituer l'arme quand vous quitterez notre île. » Lorraine hocha la tête, et cette fois sans ironie. « Parfait. Je ne vous retiens pas plus longtemps, il est déjà fort tard. Mes hommes vont vous reconduire à votre hôtel et n'oubliez pas. Je vous ai à l'œil. » « Et nous de même, » glissa malicieusement Lorraine. « Une dernière chose, votre honneur, si vous le voulez bien. Le palais de justice dispose-t-il d'une bibliothèque ?»« Oui, à l'étage. Pourquoi ?»« L'Encyclopédia Britannica s'y trouve-t-elle »« Évidemment. Nous possédons les 29 volumes de la 11e édition, qui est sans conteste la meilleure. » »« Splendide. Me permettez-vous d'aller y jeter un coup d'œil ? Cela ne devrait pas me prendre plus de 5 minutes. » « Je vous en prie. »